Hein, on m'a dit qu'il fallait avoir le seum. Putain. Dans mon clan, y'a pas de traîtrise et les traîtres russes de leur temps, tant leur talent et s'en maîtrise. Et t'as le don d'étaler le manque de connaissances qu'elle toupait. J'suis en effervescence avec aisance, étoupée ou toupette à perpète, nos perpètes les plombs. Tu vois le plan, ils sont pleins sans plan. Qui craquent dans le schmitt, monte sa plaque, on a rien de temps. Y'a des regrets, puis viennent les progrès. On s'élève en restant bon élève, sachant que les pros créent le niveau. On va pas le crier, on est grillé, né pour des foyers sans alliés, on est hal. Du œuf, de yeuf, pas de keuf, c'est l'idéal. Des hal au moulin d'ici. Je reste indécis. Agression verbale, les cours de français sont inévitables. Préfère les autographes à l'orthographe. Dédicace au vrai, à mes semblables. Je nique la grammaire comme je m'occupe de ta mère. Mauvais fils, toujours coupable. Moi je fugue quand ça conjugue. Haute scène, ramène le style impeccable. 9 de easy, si rien n'est easy. La rue t'apprend à tirer profit de toutes les sortes de Nesby. Rares ceux qui sont soucieux de la réussite que cela va susciter. Quand tu nous vois rapper de suite et ôter tes capacités, t'en reste bouche bée, mais les bouches nous troublant. Impossible pas troublant, ils ignorent mon existence. Souffrance et jusqu'au ciel à regarder distance, frérot. Et frérot, on le bon cousin, coup on disperse pour percer. Dresse la résistance, le NSC pour se concilier ma pensée. Ton geste ne trompe pas, nos potentiels ne trompent pas. Comme sécurité ultra menacée, Séverine unité meurtrière. Encore un star au tapis, j'suis pas une star mais tant pis. On me reconnaît sur terre, terre. Sache que mes pieds n'ont jamais quitté terre. J'ai le seum pour mes potes qui se font des cours. Pour ceux qui meurent en pleine course, ceux qui font des tours dans la cour. Le seum pour celles qui se font des tours. Ça se passe comme ça dans nos tours. Trop le seum pour les frères en cellule. C'est sûr j'assume, les keufs à terre que j'assomme. Les trafics de haute somme. Le seum pour les pots des hautes scènes. Quand j'apprends ta sanction, si au juste tu sors une double version. Version. Toi comme cible, insensé d'être sensible. Visiblement je garde mon armement pour tout débordement de garnement. Je prévois le débarquement tout en gardant mon style de félin ou de fêlé à fond fais-le. Ou je t'effraie à coups de chromie, c'est promis, pas Tommy. Tu leur dans ma part c'est naze, que le rap français je le baisse. Que les 5 lettres de mon blaze sont aggravées dans vos dièses. J'apprends à mon public que nos vies ne sont pas roses. Que la cage et les flics sont souliés dans ma prose. Écoute mon son, tu connaîtras mes fréquentations. Écoute mes paroles et tu goûteras la pression. Vois mon environnement, tu comprendras ma vie. La déception de nos mamans, nos heures de galère sont parmi. Ah tiens, justement, frère, mais je te vois. Ils sont mélovés, ils sont. J'ai pas le temps, attends, j'ai pas le temps. Non ok. Range ton arme, mec. Décolle pack. Dis-leur que j'ai plus le temps, que mes espoirs de gosse sont partis. Que mon taf je le veux à plein temps, que j'ai la même rage depuis tout petit. Écoute-moi, quand tu veux, tu verras que je ne suis pas celui qui te donnera des aveux. Celui qui ne t'écoutera pas quand t'auras des problèmes de sous. Quand tes sons sont trop loin, parce qu'avec eux t'as joué au fou. Parce qu'à la barre tu veux un témoin, mais finalement où est le bon sens? Trop de choses insensées, ma sensation est celle d'un souk. Qu'on a troqué avec une sentence, si ça s'augmente, j'aurai plus que ma passion quand j'y pense. Je sais que c'est l'essentiel, j'ai assez de seum pour tout saquer ou tout plaquer. Ils parlent de nous, de pas nous laisser passer, mais c'en est trop peu pour se casser. Pas question de céder à la tentation, mon frère et moi dans la galère on fera céder.